Chapitre 14e. Cercle infernal. En retournant vers son immeuble, Karim rencontre Silafid dans la rue. Ce dernier s'aperçoit des ecchymoses sur le visage de son voisin. « Qu'est-ce que c'est ? » demande-t-il, alarmé. « Je t'expliquerai ce soir si tu es à la maison. »« D'accord. 10 heures, tu peux ?»« Oui. » Alors dites, les deux amis sont assis sur le même divan. Karim relate l'attaque nocturne et conclut. « Mes agresseurs ne sont certainement pas des voleurs, sinon ils m'auraient demandé de l'argent. Donc leurs mandataires sont soit la police, soit les intégristes islamistes. Évidemment, » dit Silafid. « Ces agresseurs ne sont pas du quartier. » Ainsi, les mandataires restent difficiles à connaître. Une chose est positive, en restant cachés, ils ne se considèrent pas assez forts pour assumer ouvertement leur action. Et cela, par peur de la réaction populaire. Comme quoi, en dépit du mépris que certains manifestent contre le peuple, celui-ci fait néanmoins peur à ses ennemis. Karim et Silafid réfléchissent. « Une chose est certaine, » déclare ce dernier. Le recours à la violence prouve la faiblesse des idées. Or, qu'est-ce qui caractérise principalement les tiennes ? Il attend une réponse de la part de Karim. Celui-ci demeure pensif et silencieux. Le vieillard pose une autre question. « Qu'as-tu fait de particulier, de nouveau, dans le quartier qui aurait pu contrarier les mandataires de tes agresseurs ?» Karim réfléchit un instant, puis « Je ne vois pas autre chose que le nettoyage avec Saïd, donc ?» Alors, estime Karim, c'est la solidarité entre les habitants des immeubles pour nettoyer leur quartier qui dérange. Et on a voulu le faire savoir en m'agressant. « Pourquoi ?» relance Silafid. « Toi et pas moi, ni les autres, qui ont aidé Saïd ?» Karim se concentre davantage pendant quelques secondes, puis « Le syndicat, alors, mon activité autonome !» Soudain, il se rappelle la rencontre avec le policier au commissariat. Il raconte la discussion à Silafid, en soulignant la conclusion qui semble être une menace. « Tu ne vois pas autre chose ?» insiste Silafid. « Réfléchis bien. Rappelle-toi tout ce qui aurait pu, dans tes actes, contrarier quelqu'un. » Un soupir soulève la poitrine de Karim, tandis qu'il met en action sa mémoire. Il finit par trouver quelque chose. Il raconte à son voisin la scène de l'égorgement des moutons et l'altercation avec le marchand de fruits, Omar. Puis il conclut « Effectivement, c'est là un autre motif pour me donner un avertissement. » Une autre question encore, pour ce Silafid. Crois-tu que l'agression dont tu étais victime ne visait que toi ? Un bref instant de réflexion, puis Karim répond « Alors vous aussi ? Notre solidarité avec Saïd dérange tous ceux qui n'ont pas intérêt à voir les citoyens s'entraider en prenant en charge la gestion de leurs problèmes ?» Silafid remarque. Ces gens-là n'ont-ils pas en effet peur que cette simple action de nettoyage, autonome et collective, donne l'idée aux citoyens d'entreprendre d'autres actions dans le même esprit ? C'est certain, admet Karim. Le nettoyage des immondices peut donner envie de nettoyer la société de tous ces parasites, quels qu'ils soient. Alors, que faire ? Demande Silafid. Karim ne répond pas immédiatement. Le vieillard ajoute. Rappelle-toi la fameuse déclaration de l'écrivain et poète Jaout. Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. Et il est mort, assassiné lui et tant d'autres. Ne fallait-il pas plutôt conclure ? Alors organise-toi pour ne pas mourir, ou du moins, pour rendre le plus difficile possible ta mort. Oui, c'est vrai. Sans organisation, n'importe qui sera certainement vaincu. C'est la raison pour laquelle, à l'hôpital, nous avons créé notre section syndicale autonome. Reste un autre problème fondamental à affronter, ajoute Silafid. Lequel ? S'organiser, d'accord, mais pour entreprendre quel genre d'action ? Répondre à la violence de manière pacifique ou par une contre-violence ? Le cerveau de Karim se met au maximum d'effervescence. « Explique-moi davantage, » suggère-t-il. « Tout ce qu'on sait, » précise Silafid, « c'est ce que l'histoire nous montre. Et ce qu'elle montre est ceci. Les dominations sociales n'ont pu être éliminées que par une contre-violence opposée à la violence dominatrice. Il en fut ainsi des révoltes anti-esclavagistes, des révolutions anti-féodales, des guerres contre le nazisme allemand, le fascisme italien et le fascisme japonais, des guerres de libération nationale. Même les religions monothéistes sont vaincues en définitive par la violence. Affirmer que le christianisme ne fut pas dans ce cas une erreur. Sans l'armée de l'empereur Constantin, cette conception serait restée celle d'une petite secte persécutée. D'exemple contraire, il n'y a eu que Gandhi et l'indépendance de son pays, exception confirmant la règle, diraient les mathématiciens. Alors, demande Karim. Serais-tu pour la contre-violence ? Ce que je réprouve le plus au monde, c'est la violence, et cela par principe. Malheureusement, ce que je constate dans le monde, c'est la violence, laquelle n'a été éliminée que par une contre-violence, un cercle vicieux dont l'humanité n'est pas sortie. Et tu l'as lu dans les livres que je t'ai prêtés. Les deux expériences autogestionnaires, russes et espagnoles, bien que pacifiques, furent écrasées par la violence, la première par les prétendus révolutionnaires et la seconde par les déclarés fascistes, avec également le concours des staliniens. Quant à l'autogestion algérienne, elle fut éliminée par des décrets bureaucratiques et chez les récalcitrants par la violence. Remarquant l'expression « désolé » de Karim, Sylafide hausse les bras et les épaules. « Désolé, mon cher Karim. » L'humanité n'a jusqu'à maintenant pas découvert la recette juste et parfaite pour sortir du cercle infernal de sa préhistoire, sans douleur et sans néfastes conséquences. L'ancêtre néandertalien vit encore en nous et sévit. Donc, si j'ai bien compris, tu es pour la contre-violence ? Non pas, non pas. La violence, je te l'ai dit, ne fait absolument pas partie de mes principes, du moins depuis mon âge adulte. Seulement, je constate ce qu'est la réalité. Je n'en tire pas comme conclusion la nécessité de la contre-violence, non, pas du tout. Je souhaite, et cette question est en tête de liste de mes interrogations, trouver une solution pour changer au mieux la société de manière pacifique. Je n'ai encore trouvé nulle part la réponse réellement convaincante. Alors je cherche encore. Depuis l'agression subite, chaque fois que Karim est devant le marchand de fruits pour en acheter, il est mal à l'aise. Quand ses yeux rencontrent ceux d'Omar, il les écarte aussitôt pour ne pas donner l'impression de se méfier. Néanmoins, Karim ne renonce pas au commerce de cet homme. S'il est derrière cette agression, pense Karim, il n'en est pas le seul et le premier responsable. Il n'est qu'une marionnette, victime de ses misères sociales et de la manipulation des loups qui le conditionnent. Il en vient à considérer comme ennemis les personnes qu'il devrait, au contraire, choisir comme amis. Peut-être un jour, je parviendrai à le lui faire comprendre. Karim est conscient de formuler de temps à autre des désirs ayant tout l'air d'illusions vaines. Néanmoins, il a besoin d'y croire. Adolescent, il avait écrit sur une feuille de cahier, ensuite fixée sur le mur, tout près du chevet de son lit. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Un autre fait l'avait profondément impressionné, lu dans un article de presse. Durant l'occupation nazie en France, un anarchiste s'était trouvé devant un peloton d'exécution. Juste avant la détonation fatale, il cria au jeune militaire allemand « C'est pour vous que je meurs, prolétaire manipulé !» Karim est conscient du motif qui le porte à ce genre de considération. Depuis son enfance, il a été sensible aux cruautés humaines, non seulement parce que subi par les victimes, mais aussi parce que causé par les auteurs de ces actes choquants. Cependant, Karim, après de profondes réflexions, en était venu à ne pas éprouver de la haine pour les coupables, mais une sorte de tristesse. Et elle s'expliquait ainsi. Qu'est-ce qui porte une personne à agir de manière cruelle? Si elle avait eu la chance d'avoir un père et une mère comme les miens, plein d'attention, de bonté et d'altruisme, cette personne n'aurait-elle senti le besoin de se comporter en méchant? Progressivement, Karim comprit qu'à la méchanceté, et à ce qu'il a produit, la haine, il fallait absolument éviter d'éprouver le même sentiment et d'en tirer le même comportement. La haine était ressentie par Karim comme une maladie psychique. « Non, » décida-t-il un jour, « jamais je ne permettrai la haine de me polluer. Oh certes, je n'irai pas jusqu'à tolérer le résultat néfaste de la haine. Je le combattrai de toutes mes possibilités, sans toutefois jamais m'abaisser à cet hideux sentiment. Il me suffit d'en comprendre la cause et de chercher à l'éliminer. » Et si cela m'est impossible, de m'occuper de meilleure façon. Un soir, il confia cette conception à sa sœur Jamila, espérant, encore une fois, comme Don Quichotte, améliorer son prochain, dans ce cas, sa sœur. Elle le toisa froidement et grinça avec mépris, les lèvres serrées. « Alors tu es un lâche, un peu heureux. » Elle ajouta, gonflant son corps graisseux de fierté ridicule. « Moi, à la haine des autres, je réplique par une haine plus forte. Non pas œil pour œil. » Mais pour un œil, les deux yeux de l'adversaire, et même tout son visage, et même ses organes internes, qu'il meure de la mort la plus atroce. Elle est gravement malade, cette malheureuse sœur, fut la conclusion de Karim, sans la formuler à haute voix.